بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajih sur le fiqh al-sunnah et le kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre de al-ijara, de la location, et on avait clôturé par le jugement de percevoir une récompense suite à la lecture du Coran. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Est-ce qu'on a le droit ou non de percevoir de l'argent suite à la lecture ou suite à l'enseignement du Coran? On n'a pas le droit. On a le droit. On n'a pas le droit. Hein? Il y a deux avis. Les deux. Déjà, il y a certains savants qui disent, quand il y a Abu Hanifa, rahimahullah, il dit que c'est interdit dans tous les cas. C'est interdit de percevoir une récompense dans tous les cas, que ce soit dans la lecture, dans l'enseignement, quelle que soit l'adoration, car toute adoration doit être faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ils n'ont été ordonnés que de adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et d'autres savants ont dit, concernant le Coran, qu'on pouvait avoir un salaire, en contrepartie du temps qui était donné par l'enseignant. Et ils sont d'accord sur le fait qu'il est interdit de percevoir une récompense suite à la lecture du Coran. Il y a une différence donc entre lire le Coran et l'enseigner. Car celui qui enseigne le Coran donne de son temps, et le temps qu'il donne pour l'apprentissage du Coran ou pour l'enseignement du Coran ne lui permet pas de travailler et donc de percevoir un salaire. On lui donne donc un salaire, et certains savants comme Cheikh Al-Albani disent qu'on doit appeler ça salaire et non pas récompense. Cette personne a le droit de percevoir un salaire pour compenser ce manque. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de percevoir un salaire? Quelle est la preuve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam, le hadith de la ruqya de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. On avait aussi cité le hadith de la dot, « Inkahtukaha bima ma'aka » Le Coran, que le Prophète a considéré le Coran comme étant une dot. Comme étant une dot. Taïb. Il y a aussi l'autre hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par le Bukhari. Inna ahaqqa ma akhadtum bihi ajran. Kitabullah. La chose par laquelle vous méritez le plus une récompense, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci concerne celui qui l'enseigne et non pas celui qui le lit. On avait cité les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille d'apprendre le Coran, car il viendra un temps ou une époque où les gens apprendront le Coran pour en faire un gagne-pain, pour faire de sa lecture un gagne-pain. Et le professeur a dit aussi que trois personnes apprennent le Coran, quels sont ces trois types de personnes? Celui qui l'apprend pour Allah, celui qui l'apprend pour gagner de l'argent, et le prend comme source de revenus, et celui qui l'apprend pour les autres, et celui qui l'apprend pour qu'on dise de lui qui pour ostentation, mais c'est pas totalement ça. Celui qui l'apprend pour qu'on lui fasse des compliments, celui qui l'apprend pour se vanter, ni qui l'apprend et qui va apprendre sa lecture, il va apprendre les règles de tajwid, etc. Et il apprend tout ceci pour lire d'une façon très belle et ainsi avoir l'éloge des gens concernant sa lecture. Ensuite, on avait traité le sujet du chapitre de Sharika. On peut aussi dire Sharika ou bien Sharika. Donc, Sharika, Sharika ou bien Sharika. Les trois sont autorisés. Et qu'est-ce que signifie Sharika en langue arabe? Al-Ikhtilat, ça signifie le mélange. Et en islam, qu'est-ce que signifie Sharika? Non. On peut dire société, entreprise, partenariat, mais quelle est la définition en islam de Sharika? Hassan, ce sont deux personnes ou plus qui mettent des biens en commun, et on avait cité une condition qui est importante. Consentement. Il faut le dire. Parce que je peux prendre l'argent de quelqu'un et le mettre et considérer que c'est son argent et travailler dessus, même sans le voler, et même si ce n'est pas considéré comme un vol, mais il faut le consentement de toutes les personnes qui participent à cette association ou à ce partenariat. Et dans quel but? Dans le but de faire du profit. Dans le but de faire du profit. Et on avait dit que chez les cas, peut-être ou l'entreprise peut être destinée à quelqu'un sans qu'il le veuille. Comme l'héritage, quand on a vu que lorsque l'un des deux associés meurt, qui prend la succession? Ses héritiers prennent la succession et prennent sa part si sa part lui est due. Ensuite, on avait parlé de la législation de la sharika en islam, est-ce qu'elle est autorisée ou non? Oui, elle est autorisée, et la preuve est dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve dans le Coran? Le verset de Kalala, mais avant on avait cité Inakathir min al-Khulata. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ comme l'a dit Daoud alayhi salam, comme l'a dit Allah azza wa jalla en parlant de Daoud, et il y a beaucoup d'associés qui se font du tort les uns les autres, sauf ceux qui ont cru en Allah, ont accompli des actes pieux, et ils sont très peu. طيب. Ensuite on avait cité aussi la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve? Non, ça c'est dans l'Ijara. C'est l'autre qui est venu se convertir, il a dit que je le connais mieux le prophète que vous parce qu'il était son Hassan, c'est le hadith de Sa'ib qui a dit au prophète Hassan Kunta Shariki fi Jahiliya, tu étais mon associé avant l'arrivée de l'islam. Et tu ne me contredisais pas et tu ne me reprochais pas dans nos affaires. Taïb. Ensuite, quelle est l'entreprise ou le partenariat qui est reconnu en islam? Quelles sont les conditions? Quelle est l'entreprise musulmane ou la société musulmane? C'est quoi? c'est le fait que deux personnes s'associent, ou plus, et que chacun soit consentant, et il faut que... il faut définir déjà l'apport de chacun, que l'apport de chacun doit être défini, et ensuite ils se mettent d'accord sur la part du bénéfice. Ils se mettent d'accord sur la part de bénéfice. Est-ce qu'il est autorisé à l'un des deux de percevoir une part plus grande malgré que son apport est moindre par rapport à, au second associé? Si c'est convenu, ils ont le droit. Si c'est convenu, ils ont le droit, même si l'un donne 5000 euros et l'autre donne 15000 euros, ils ont le droit de se mettre d'accord sur le fait que chacun aura la moitié des bénéfices. D'accord ? Si cela est fait par consentement de part et d'autre. Tayyib. Ensuite, on avait parlé de l'Mudaraba, du chapitre de Al-Mudaraba. Qu'est-ce que l'Mudaraba ? Non. C'est le fait de voyager dans le but de faire marcher. Al-Mudaraba, dans le sens littéraire. C'est le fait de frapper la terre, c'est-à-dire de voyager. Et quelle est la définition de Muharrada en islam ? Déjà, qu'est-ce que le Muharrada de façon générale? Al-Mudaraba. Qu'est-ce que le Mudaraba de façon générale? C'est une forme de Sharika. C'est une forme de Sharika. C'est une forme de société. C'est une forme de partenariat. Quelle est cette forme de partenariat? Ça consiste à quoi? C'est l'un. Il y a un investisseur et un travailleur. Il y a un investisseur et un travailleur. Il y a une personne qui apporte l'argent, qui apporte l'investissement, les moyens financiers, et l'autre qui fait travailler cet argent. Et l'autre qui fait travailler cet argent, et ils se mettent d'accord sur la part de bénéfices. Sur la part de bénéfices, selon ce qu'ils estiment le plus juste. Taïf. Et on avait cité l'unanimité des savants à ce sujet concernant Al-Mudaraba. Et on avait également cité la preuve que ceci était fait par les compagnons radiallahu anhum. Que les compagnons radiallahu anhum, Al-Mudaraba était connu à leur époque et ils la mettaient en pratique. Quelle est la preuve? Les deux enfants de Omar al-Khattab radiallahu anhum. Qu'est-ce qu'ils ont, les deux enfants d'Omar al-Khattab? C'est quoi leur nom déjà? Abdullah et Ubaydillah. Non. C'est quoi leur histoire? Ils étaient à Basra. Non. Il y avait Amir al-Mu'minin à Basra. Abu Musa al-Ash'ari. Donc ils allaient retourner à Al-Madina. Non. Et en fait, il leur a confié en fait l'argent de Zakat. Il leur a dit ouais, en fait, ce que vous voulez avec. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il n'a pas donné, faites ce que vous voulez avec. C'est pas comme ça. Il a acheté la marchandise. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit de leur fructifier cet argent. Il leur a dit, je vous prête cet argent. Il a dit, je vous prête cet argent. Et ça, c'est très important de savoir ça. Il ne leur a pas confié, il leur a prêté. Ça veut dire qu'ils étaient responsable de cet argent s'il y avait une perte ou autre. Donc il leur a prêté l'argent, il leur a dit. Non, il leur a dit, vous pouvez acheter de la marchandise d'ici en Irak et de la revendre à Médine. Et lorsque vous aurez vendu votre marchandise à Médine, reprenez les bénéfices et le capital initial, donnez-le à votre père, Omar al-Khattab, radiallahu anhu. Et lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils ont effectivement vendu leurs marchandises, ils ont perçu les bénéfices et ils ont rendu l'argent ou ils ont donné ce dépôt à leur père, Omar al-Khattab, radiallahu anhu. Qu'est-ce que leur a dit Omar al-Khattab? Naam. Il leur a dit, avant qu'il leur a dit, avant ça, avant de leur dire donnez-moi tout l'argent. Est-ce qu'il a prêté de l'argent à toute l'armée ou... Naam. Est-ce que Abu Musa al-Ash'ari a fait ceci uniquement vis-à-vis de vous ou est-ce qu'il a agi ainsi avec toute l'armée? Ils ont dit non. Ce privilège, il ne nous l'accordait qu'à nous spécifiquement. Et Omar al-Khattab a dit, c'est parce que vous êtes les fils de l'émir. Donnez-moi l'argent et le bénéfice. Et Abdullah ibn Omar s'est tué et Ubaydillah a dit que ceci n'est pas juste car nous, si cet argent avait été perdu, nous serions garants de cet argent. Puis Omar al-Khattab a ordonné qu'on lui donne l'argent et Ubaydillah lui a rendu l'argent, le capital plus le bénéfice. Et ensuite, un homme qui assistait à cette assise ou qui était un proche de Omar al-Khattab a dit pourquoi ne considères-tu pas cet argent comme mudaraba, c'est-à-dire comme de l'argent que tu aurais donné comme un investissement à tes enfants avec lequel ils ont travaillé et tu perçois une part du bénéfice et eux en perçoivent l'autre part. Et Omar al-Khattab a alors donné la moitié des bénéfices à ses enfants et l'autre moitié il l'a gardé pour les musulmans. Donc ici c'est une forme de mudaraba et ceci prouve que cela était connu au temps des compagnons radiallahu ta'ala anhu. Et on avait cité une condition concernant al-mudaraba au niveau des bénéfices. Comment est-ce qu'il devait être défini? En pourcentage ou en part, et non pas en quantité ou en montant. Donc de dire, voilà, j'investis tant d'argent, toi tu travailles sur cet argent, et à la fin, moi j'ai 50% du bénéfice, et toi 50%, ou moi j'en ai 30%, et toi t'en as 70%. Mais il ne faut pas dire, et au bout du compte, ben moi j'aurai 60 000 euros, et toi t'en auras 50. Non, il ne faut pas définir de montant, mais il faut parler de part et de pourcentage. طيب يقول المؤلف العامل امين. العامل امين, c'est-à-dire que c'est comme la bourse quoi, j'ai fait des actions et tout. C'est pas trop pareil, non? Je donne un vrai travail avec. Concernant la bourse, c'est autre chose la bourse. La bourse c'est beaucoup plus complexe. La bourse, c'est en fait c'est des parts de société que tu achètes. Et le problème de la bourse, c'est que le plus souvent, c'est que des chiffres qui transitent. C'est que des chiffres qui transitent. Et le plus souvent, il y a on achète bid-dayn. C'est-à-dire quoi, acheter bid-dayn? C'est-à-dire tu vends quelque chose que tu n'as pas pour quelque chose que l'autre n'a pas. Je te vends la part de telle société et toi tu me vends tant de parts de telle société. C'est que des transactions qui transitent comme ça et dans beaucoup de cas il y a ad-dayn ou bid-dayn. Et en islam, le prophète a interdit al-bay' ad-dayn ou bid-dayn. Tu n'as pas le droit de vendre une dette par une dette. Tu n'as pas le droit de dire par exemple de vendre quelque chose que le vendeur n'a pas à l'acheteur pour une somme que l'acheteur n'a pas. Les deux sont endettés. Le vendeur vend quelque chose qu'il n'a pas et l'acheteur achète avec de l'argent qu'il n'a pas. Ça c'est al-bay'u dayn bid-dayn, ceci est interdit en islam. Il faut que l'un des deux soit posé, soit l'argent ou soit la marchandise. Soit l'argent ou soit la marchandise. Il faut que l'une des deux choses soit concrète. طيب العامل امين. Le travailleur loyal. والمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة ولا يضمن العامل الا بالتعدي والمخالفة. قال ابن المنذر واجمع على ان رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن. وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل في بطن ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. حديث صحيح الإسناد رواه الدارقطني والبيهقي. Donc le travailleur qui est loyal, al-mudaraba est autorisé mutlaqatan wa muqayyada. C'est-à-dire qu'elle est autorisée mutlaqa, c'est-à-dire sans condition ou avec condition. C'est-à-dire que l'investisseur a le droit de dire au travailleur, voilà 50 000 euros, faisant ce que tu veux. C'est-à-dire, travaille cet argent comme bon te le semble. Et nous, on se met d'accord sur les parts de bénéfices. J'ai 50% et t'as 50%. Ici, c'est une mudaraba qui est, que les savants appellent, mutlaqa, qui est sans condition. Et il y a al-mudaraba al-muqayyada. Il y a al-mudaraba qui, elle, est sous condition. Par exemple, l'investisseur dit, je te donne 50 000 euros à condition que tu ne travailles que dans le textile, que tu ne travailles cet argent uniquement dans le textile. Tout autre domaine, je n'accepte pas. Ici, c'est une mudaraba qui est sous condition. D'accord ? Et les deux sont autorisés. Les deux sont autorisés et l'investisseur a le droit de poser ses conditions. Car c'est son argent. Car c'est son argent. Et le travailleur n'est garant de cet argent que s'il y a al-ta'addi ou al-mukhalafa. Al-ta'addi, les savants disent, huwa fi'lu ma la yajouz. Fi'lu ma la yajouz. Al-ta'addi, c'est de faire quelque chose qui est interdit. C'est de faire quelque chose qui est interdit. Et al-mukhalafa ou al-ifrat, tarku ma yajib. Et al-ifrat, c'est le fait de délaisser quelque chose qui est obligatoire, d'avoir délaissé une obligation. Al-ta'addi, c'est de faire quelque chose qui est interdit. Et al-mukhalafa ou al-mufarata signifie de délaisser quelque chose qui est obligatoire. Tu peux donner des exemples sur al-ta'addi. Al-ta'addi, on a dit que c'est fi'lu malayajouz, de faire quelque chose qui n'est pas autorisé. Ça rentre dans, par exemple, al-mudaraba qui est mutlaqa, qui est muqayyada, dans une mudaraba sous condition. L'investisseur dit, je n'accepte que tu travailles cet argent que dans le textile. Et ce travailleur est parti acheter des légumes. Et si, est-ce qu'il a fait al-ta'addi ou pas? Oui, il a fait al-ta'addi, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui n'était pas autorisé, que l'investisseur ne lui a pas autorisé de faire. Si il perd dans cette transaction qu'il fait en achetant des légumes pour les revendre, il perd de l'argent. Est-ce qu'il est garant ou pas? Oui, il est garant parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas autorisé. Et pareil, tarku ma yajib. Tarku ma yajib. Pareil, de délaisser quelque chose que l'investisseur a ordonné. De délaisser quelque chose qui a été ordonné. Taïb. قال ابن المنذر رحمه الله a dit, et ils sont unanimes sur le fait que l'investisseur, lorsqu'il interdit le travailleur de vendre avec échéance, et s'il vend avec échéance, alors il est garant de cet argent. Ibn Mundhir a dit que les savants de l'islam sont unanimes sur le fait que lorsqu'un investisseur pose comme condition aux travailleurs de ne pas vendre la marchandise en plusieurs fois, mais de la vendre en cash. Yani que la personne qui achète paye comptant, paye de suite, en une seule traite. Et si ce vendeur ou c'est ce travailleur qui a fait le mandat rabat, c'est-à-dire qui travaille avec cet investisseur et qui a une part de bénéfice, s'il vend la marchandise sous plusieurs traites, et qu'il se met d'accord avec les acheteurs pour qu'ils achètent et qu'ils payent en plusieurs fois, alors il est garant de l'argent. Il est garant de l'argent. D'accord ? Si l'investisseur dit ok, t'as acheté tant de marchandises, t'en as vendu tant, on s'est mis d'accord sur la part de bénéfice, 50%, 50%, je veux mes 50%. Et le travailleur dit oui, 50%, je ne les ai pas maintenant. Je ne les ai pas maintenant, les 50%, tout simplement parce que je me suis mis d'accord avec les gens pour qu'ils payent en plusieurs fois. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te donner ta part. Et là, l'investisseur a le droit d'imposer et de dire, moi je veux mon argent. C'est toi qui en es garant. D'accord ? Et également, si les gens ne payent pas, qui en est responsable ? Al-amil, c'est le travailleur. Et l'investisseur n'a pas de part de responsabilité dans cela. Et selon Hakim ibn Hizam, c'est pas de problème, c'est interdit de faire ça. Comme si on est d'accord, comme l'investisseur le dit de ne pas le faire, il le fait. Non, là, il est considéré comme un ta'addi. Il a fait quelque chose qui n'est pas autorisé. Et oui, al-mu'minun ala shurutihim. Les musulmans s'arrêtent selon leurs conditions. Donc si tu t'es mis d'accord avec ton frère sur des conditions pour faire cette transaction ou pour faire al-mudaraba, tu dois te tenir à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Ayyuha alladhina amanu awfu bil'uqud." Yani lorsque vous faites des engagements, tenez-les. Et selon Hakim ibn Hizam, qui est Hakim ibn Hizam? Qui est Hakim ibn Hizam? C'est un nom qui est familier ou pas? Est-ce qu'on avait déjà vu des hadiths de lui? Dans le Bay'a, on n'a jamais vu le hadith de Hakim ibn Hizam. Qu'est-ce que le professeur Hassan lui a dit à Hakim ibn Hizam? La tabi'a. Ma laysa 'indak, ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. Et Hakim ibn Hizam faisait partie des gens de Médine qui étaient des grands commerçants. Il commerçait beaucoup, radiallahu anhu, et c'est pour ça, entre autres, que le professeur Hassan lui a dit: La tabi'a. Ma laysa 'indak, ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. Car le professeur Hassan savait que Hakim ibn Hizam était un grand commerçant et qu'il pouvait tomber dans ce cas-là. Donc selon Hakim ibn Hizam, le compagnon du professeur Hassan, qu'il posait comme condition lorsqu'il faisait al-muqarada ou al-mudaraba avec une personne, il posait ses conditions lorsqu'il donnait l'argent. Et il disait: n'utilise pas mon argent fi kabidin ratbah. Qu'est-ce que kabidin ratbah? Qu'est-ce que kabidin ratbah? C'est quoi le kabda? Le foie. Autrement dit, n'utilise pas mon argent dans les foies, entre guillemets, les foies consommables ou les foies qui sont bons. Et quelles sont les foies qui sont consommables et les foies qui sont bons? C'est des animaux. Que ce soit les vaches, les ovins ou les bovins. Autrement dit, n'utilise pas mon argent dans la vente de, dans l'achat et la vente de bêtes. Dans la vente et l'achat d'animaux. Voilà, tahmiluhu fi bahr. Et ne le transporte pas dans la mer. Ne transporte pas mon argent dans la mer. Autrement dit, que mon argent ne voyage pas sur l'eau. Car à l'époque, les bateaux n'étaient pas un moyen de transport qui était sûr. ولا تنزل به في بطن مسيل. Également, ne descends pas avec mon argent dans des rivières ou des ruisseaux ou des torrents. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. Si tu fais une de ces choses, alors tu es garant de mon argent. Si tu fais une de ces trois choses, alors tu es garant de mon argent si jamais tu étais amené à le perdre, à perdre de l'argent en achetant des animaux, ou à perdre mon argent s'il y a le naufrage d'un bateau ou autre. D'accord ? Et on comprend de ce hadith, la parole de Hakim ibn Hizam, que si il ne fait pas tout cela, est-ce qu'il est garant de l'argent ? Non. Donc, celui qui fait le mudaraba, celui qui travaille avec un investisseur, l'investisseur qui donne l'argent et que cet argent a été perdu durant la transaction, par exemple. La personne, l'investisseur a dit, tu ne dois travailler cet argent que dans le textile. Le travailleur a acheté du textile, il a vendu, mais il a perdu l'argent. Cette fois-ci, c'était une affaire qui était à perte. Est-ce qu'il doit compenser ? Non. Il n'a pas de compensation à donner car ils ont pris, il a suivi les conditions de la transaction. Donc à partir du moment où il n'a rien à se reprocher et qu'il ne trahit pas le pacte qui a été conclu, alors il n'est pas garant de l'argent. طيب السلم باب السلم تعرفه السلم بفتحتين السلف وزنا ومعنى وحقيقته شرعا بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل السلم l'auteur dit sa définition signifie le prêt السلف السلف ça signifie le prêt et en islam وحقيقته شرعا c'est de vendre quelque chose موصوف في الذمة بثمن معجل c'est quelque chose qui est décrit et dont l'argent est posé de suite dont l'argent est posé de suite. Et pourquoi est-ce qu'il a appelé salaman li taqdim al mali qabla istilam al mabi'. C'est-à-dire que là tu vends quelque chose que tu décris, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas existant. De vendre quelque chose qui n'est pas existant mais que tu décris. Et tu prends la responsabilité de donner et de fournir ce que tu as décrit selon ta description. Et l'argent est avancé. Bithamanin mu'ajjal, c'est-à-dire que l'argent est avancé, que tu donnes l'argent avant d'avoir la marchandise. Donc ça, c'est as-salam. Et bay' al-taqsit, qu'est-ce que bay' al-taqsit ? C'est quoi bien l'intercept ? C'est vendre avec échéance. Et dans la vente avec échéance, qu'est-ce qui est retardé ? Le paiement. Et qu'est-ce qui est avancé ? La marchandise. Donc, bien l'intercept et salam, ce sont deux choses qui se ressemblent. Sauf que dans un cas, c'est la marchandise qui est avancée et l'argent qui est retardé. Et dans l'autre cas, c'est l'argent qui est avancé et la marchandise qui est retardée. طيب مشروعيته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية السابقة وعنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. Donc sa législation, le fait qu'il ait légiféré, c'est-à-dire à Salam, Allah SWT a dit, oh vous qui avez cru, lorsque vous vous endettez d'une dette, il a ajalé Moussamma jusqu'à une date déterminée, faktubu, alors écrivez-le. Et Abdullah ibn Abbas a dit, j'atteste que les salaf, que anna salaf al-madmoun, que le prêt qui est garanti pour une durée déterminée qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé dans ce livre, dans son livre, puis a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, lorsque vous prêtez ou lorsque vous vous endettez d'une dette jusqu'à une date déterminée, alors écrivez-le. Car al-salam, c'est une forme de dette. C'est une forme de dette. Qui a la dette sous sa responsabilité ? Le vendeur. Le vendeur, c'est lui qui a une dette sous sa responsabilité. Et dans le cadre de Bay' al-Taqsit, c'est qui est endetté ? L'acheteur. C'est l'acheteur qui est endetté car l'argent est retardé. Et une autre preuve également, c'est hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé les gens qui se prêtaient les dates pour une durée de 2 et 3 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prête, qu'il prête selon une mesure bien connue, un poids bien connu, et vers, et pour une durée bien connue. Autrement dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réservait entre guillemets les dates. Il payait les dates à l'avance. Et il payait par exemple les dates pour une durée de 2 ans ou 3 ans. D'accord ? Par exemple, une forme de salam à notre époque, c'est le fait de souscrire à un abonnement, par exemple d'un magazine. Tu payes l'abonnement annuel et tu reçois ton magazine tous les mois. D'accord ? Donc tu payes quelque chose que tu n'as pas encore. Ou bien par exemple, tu peux te mettre d'accord avec un fermier pour dire, voilà, je te donne 100 euros et tu me donnes 1 litre de lait tous les jours. Tous les jours, tu m'apportes 1 litre de lait que tu traites directement de la vache. Ici, il a donné l'argent. Est-ce qu'il a le lait ? Non, il va l'avoir au fur et à mesure du temps. Donc, tout ceci sont des formes de salam qui sont autorisées et le professeur Sam a autorisé cela. Lorsqu'il a vu les gens de Médine faire ainsi avec les dates, le prophète n'a pas condamné ce qu'ils ont fait, mais a seulement posé des conditions et a dit, lorsque vous faites ceci, que ce soit fait avec des mesures bien connues, des poids bien connus et pour une durée bien connue. As-salamu ila man laysa indahu aslu. لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. عن محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حديث صحيح رواه البخاري. Et concernant As-Salam, le jugement de faire As-Salam pour quelqu'un qui n'est pas propriétaire de la marchandise. Est-ce que celui qui n'est pas propriétaire de la marchandise a le droit de faire As-Salam ou pas ? Autrement dit, est-ce que tu as le droit de percevoir de l'argent pour une marchandise que tu devras donner plus tard, mais qui ne t'appartient pas. Hein? On va citer Inch'Allah. L'auteur dit « La yushtaratu fi salami an yakun al-musallamu ilayhi malikan lil-musallama fihi. » Il n'est pas considéré comme une, ce n'est pas une condition dans le salam que celui qui donne soit propriétaire de ce qu'il donne. La preuve, c'est selon Muhammad ibn Abi al-Mujalid, il dit Abdullah ibn Shaddad et Abu Burda m'ont envoyé vers Abdullah ibn Abi Awfa radiallahu anhuma. Et ils lui ont dit, qui a dit à qui? Abdullah ibn Shaddad et Abu Burda ont dit à qui? Hein? À Muhammad ibn Abi al-Mujalid. Ils ont dit, va voir Abdullah ibn Awfa, qu'Allah l'agrée, et demande-lui, est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisaient ou se prêtaient ou faisaient des prêts dans Al-Hinqa, c'est une forme d'orge. Qala Abdullah, qui Abdullah ibn Abi Awfa a dit kunna nuslifu nabita ahli al-sham fi al-hinta wash-sha'ir waz-zayt, nous donnions ou nous prêtions à nabita ahli al-sham. Qui sont nabita ahli al-sham? Sham, c'est la région du Sham. Et nabit, c'est quoi nabit? Nabit, ce sont des personnes qui étaient arabes et qui ont vécu ou qui sont partis vivre dans la région du Shem. Et la région du Shem, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était gouvernée par qui? Par les Byzantins, qui n'étaient pas arabes. Et ils étaient appelés Nabit, car c'était un peuple qui est parti vivre dans cette région du Shem. Et ils ont été mélangés à ces Byzantins et leur langue a été atteinte. Ils ont eu un accent à force de vivre avec eux. Leur langue arabe a été atteinte. Quand ils parlaient l'arabe, ils avaient un accent. Et également, ils se sont mélangés, c'est-à-dire que certains d'eux se sont mariés avec des Byzantines, etc. Et Abdullah ibn Abi Awfa, radiallahu anhu, dit qu'il donnait de l'argent à ces gens, à Nabit al-Hisham, lorsqu'ils venaient à Médine, pour qu'ils leur ramènent de l'orge, de l'huile, et ils se mettaient d'accord sur une mesure ou un poids déterminé et une durée déterminée. D'accord? Et ils étaient appelés Nabit car c'était des personnes qui travaillaient dans l'agriculture et ils savaient comment extraire l'eau. Comment extraire l'eau de la terre. Ils étaient des experts dans l'extraction de l'eau de la terre. C'est pour ça qu'ils étaient appelés Nabil. Autrement dit, c'est des personnes qui travaillent dans l'agriculture. Et Muhammad ibn Abi al-Mujalid a dit « Qultu ila man kana asluhu indah » C'est-à-dire, est-ce que tu donnais l'argent avant à des personnes qui avaient cette orge et cette huile, ou qui étaient les producteurs directs, faqala, et Abdullah ibn Abi Awfa a dit, ma kunna nas'aluhum an dhalik. Nous ne les questionnons pas sur ceci. C'est-à-dire, on ne leur posait pas la question, est-ce qu'ils étaient propriétaires ou non. Mais on leur donnait l'argent et ils nous ramenaient la marchandise. ثم puis بعثاني الى عبد الرحمن ابن ابزا puis ils m'ont envoyé, c'était Abdullah ibn Shaddad et Abu Burda, ils m'ont envoyé pour demander ou poser la question à Abdurrahman ibn Abza. Je lui ai questionné et il m'a dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yusrifuna, ils donnaient de l'argent et prêtaient de l'argent ou donnaient de l'argent à l'ahd du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa lam nas'aluhum alahum harfun amla. C'est-à-dire qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait de l'argent, c'est-à-dire qu'il donnait de l'argent en avance de phase aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne se questionnait pas, il ne se demandait pas, il ne se posait pas la question de savoir s'ils avaient des champs ou pas, s'ils étaient des agriculteurs ou non. Non. Comment ? Ou mais là, c'est Al-Salam. Al-Salam, qu'est-ce que Salam ? C'est le fait de vendre et de se mettre d'accord sur une durée. Contrairement à la vente de ce que tu n'as pas. Comme je te vends telle chose. On avait dit que ce qui était interdit dans la vente, c'est-à-dire de le vendre ce que tu n'as pas en ta possession, c'est de vendre quelque chose de bien défini que tu n'as pas en ta possession, car tu n'es pas sûr de l'avoir en ta possession et de le livrer à ton acheteur. D'accord ? Mais là, as-salam, c'est autre chose. Là, tu te mets d'accord sur une durée. Là, tu te mets d'accord sur une durée, car les savants disent que parmi les conditions de salam, il faut que la chose ne soit pas existante. Mawsoufun fi dhimma. Mawsoufun fi dhimma, ça veut dire quoi mawsoufun fi dhimma? Ça veut dire quoi? Soit décrit, mais pas précisément. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est décrit. Quelque chose qui n'existe pas et qui est décrit, et la vente ou la livraison doit se faire dans une durée déterminée. Pour cela que les savants ont cité des conditions. À Salam, comme on dit les savants, on va les citer. Mais que la personne n'a pas en sa possession ne l'aura pas maintenant. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire au moment de la transaction, c'est quelque chose qui... Quand je dis qu'il n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé. Qu'il n'existe pas au moment où il y a eu la transaction. C'est-à-dire les ventes alors sur Internet comme eBay, ça rentre dedans, toi ? De vendre sur eBay. De vendre sur eBay, par exemple, tu n'as pas à avoir de vente sur eBay quelque chose que tu n'as plus en stock. Parce que les gens, quand ils achètent quelque chose, ils veulent le recevoir quand ? Le plus rapidement possible. D'accord ? Et lorsqu'ils achètent, ils achètent en connaissance de cause, à savoir qu'ils achètent en partant du principe que la marchandise est disponible chez le vendeur. Si elle n'est pas disponible, qu'est-ce qu'il va faire cet acheteur ? Il va aller voir ailleurs. Il va aller voir ailleurs parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de suite. D'accord ? Et il y a d'autres, par exemple, un autre cas, c'est une commande. Voilà un site où on peut commander quelque chose et on sait que cette chose n'est pas en stock. Et je dis, voilà, je veux telle marchandise. Et là, le vendeur répond, ok, je te donne cette marchandise, mais tu l'auras dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, le temps que je la récupère. Ici, c'est considéré comme un salam. D'accord ? C'est la différence entre les deux. Il y a le fait de faire une vente où la personne considère que la marchandise est chez le vendeur et donc il veut la marchandise de suite, et l'autre cas où ils se mettent d'accord d'avance et le vendeur ne cache pas et dit ouvertement qu'il n'a pas la marchandise en sa possession. Et là, c'est As-Salam. Non. Et ça, on donne cette condition. As-Salam, shurut as-Salam sab'a. أولا العلم بالمسلم فيه العلم بالمسلم فيه c'est-à-dire de savoir ce qui va être livré, ce qui va être donné, à savoir la marchandise qui est achetée. Ça, c'est la première condition. ثانيا العلم بالثمن deuxièmement la connaissance du prix. Le prix doit être connu. Thalithan, qabdu thamani kullihi fi majlis al-aqd. La troisième condition, c'est de percevoir la totalité de l'argent lors de la transaction. Qabdu thamani kullihi fi majlis al-aqd. Et s'il donne une partie ? Non, là dans le cas de dans le cas de Salem, si est-ce qu'on a le droit de donner une partie de l'argent? Ici la condition, comme on a dit, c'est cette condition. Une condition c'est quoi? C'est si la condition n'est pas respectée, la vente est nulle. D'accord? Et ici, les savants disent قَبْدُ ثَمَنِ كُلِّهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ, de percevoir tout l'argent dans le, au moment de la transaction. Ça veut dire qu'il n'est pas autorisé de payer une partie et de donner l'autre après. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? On a vu le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha an bay'i ad-dayn bid-dayn, parce que là tu vends une dette par une dette. La dette, la première dette, c'est la marchandise. Et ici, si la personne ou l'acheteur donne une partie de l'argent et l'autre partie la donne plus tard, est-ce qu'il est endetté? Donc là, c'est une vente d'une dette par une dette et ceci est interdit. Kaunul musallama fihi fi dhimma. Kaunul musallama fihi fi dhimma. Ay ghayru mawjoud. Il faut que ce qui est vendu ne soit pas en possession et n'existe pas au moment de la transaction. On a donné l'exemple de l'abonnement à un magazine ou d'acheter le lait, de se mettre d'accord avec un fermier pour qu'il fournisse le lait tous les jours pendant un mois. Ici, on achète quelque chose qui n'est pas présent au moment de la transaction. Khamisan, cinquièmement, wasfuhu wa wasfu sifatihi allati tanfi anhu al-jahala. C'est-à-dire de décrire la marchandise de façon précise qui suffit à l'acheteur pour être d'accord, de donner les descriptions suffisantes de la marchandise. Sadisan, dhikru ajalihi wa makani hululih. C'est-à-dire de définir la durée dans laquelle la marchandise sera livrée et l'endroit de la livraison. Et ça, c'est important. À la fois la durée, mais aussi l'endroit. Parce que ceci peut être une source de divergence et de malentendre par la suite. D'accord. Si, par exemple, le fermier avec qui tu t'es mis d'accord pour qu'il te livre du lait, tu dis voilà, je te donne telle somme pour que tu me livres, et tu me dois, on va dire comme ça, tu me dois un litre de lait par jour, sans définir l'endroit. D'accord. Le fermier, il traite ses 1 litre de lait par jour et il les pose dans sa ferme. Chaque jour, il prend 1 litre de lait et pose dans sa ferme. Au bout d'une semaine, l'acheteur vient le voir et dit, écoute, moi le lait que je t'ai acheté, j'ai rien vu. Bah, il est là ton lait. Mais le but, c'était que tu le ramènes chez moi. Ça n'a pas été défini. Donc, il faut que l'endroit de la livraison soit aussi défini. Et que dans notre cas, l'acheteur dit, voilà, je veux que tu me le livres chez moi. Le lait, qu'il soit livré directement chez moi. Et le septième chart, je ne l'ai pas en tête. Je vous le donnerai la semaine prochaine, Inch'Allah. La septième condition, je vous l'apporterai la semaine prochaine, Inch'Allah. Cher. Non. Une petite question. Si par exemple, j'achète un terrain, et ce terrain-là, il va prendre de la valeur dans quelques temps, est-ce que j'ai le droit de le revendre plus cher plus tard? Bien sûr. Il n'y a aucun. Tu as le droit de vendre au prix que tu veux à partir du moment où. Non, à partir du moment où il y a un talab entre toi et le. Et l'acheteur. Même si tu as acheté le terrain à 1 euro, tu as fait l'affaire du siècle, et que tu peux le revendre à 100 000, bah, alhamdoulilah. À partir du moment où il y a un consentement entre toi et l'acheteur. D'accord ? Et ceux qui disent non, tu n'as pas le droit de faire plus de la moitié de bénéfice de ce que tu as acheté, ça, il n'y a aucune source dans la religion sur cette condition. Il y a ça, il y a le fait de prendre en compte le prix du marché et de pas casser les prix dans le but de porter atteinte aux autres, dans le but de casser les autres. Ceci non. Et ça, on verra, Inch'Allah, il y a un chapitre sur ça, sur le fait d'avoir un minimum de respect et de prendre en compte les prix qui sont. Marché, non, les prix du marché. On veut aussi que si la personne n'est pas consciente, cette personne qui. Non, après il y a toutes les choses du bien. Après, c'est même pas le vendre à n'importe qui, avec toutes les conditions de la vente qu'on avait vues au début. Non. Quand est-ce qu'on considère la transaction? Est-ce que c'est au moment où tu t'es mis d'accord ou quand tu vas chercher la marchandise et que tu payes? Par exemple, tu fais par téléphone, tu dis moi je t'achète ça, et au moment où tu viens le chercher, tu payes. En fait, au moment où tu as fait la transaction, tu as donné l'argent, tu as pris la marchandise. Ouais, la vente par téléphone. Ouais, est-ce que ça rentre dans acheter faire une dette par une dette? La dette. Bonne question. Parce que je sais que les savants disent que les ventes par téléphone, elles sont conclues lorsque la communication est terminée. Lorsque tu raccroches, la vente est conclue. C'est-à-dire que. Mais personne n'a donné d'argent, personne n'a pris de marchandise. Ouais, mais en fait, la vente, elle n'est pas close. La vente, elle n'est pas close, mais c'est un engagement que tu dois tenir. Comme l'a dit le Prophète sallam, Al-Bay'an ibitriyal ima alam yatafarraqa. Que les deux vendeurs ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. D'accord ? Même si. La transaction n'a pas lieu sur le moment, sur le fait. D'accord ? Même si la transaction n'a pas lieu sur le fait, et l'engagement sera à tenir. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de retour. Après, il peut payer après. Voilà, par exemple, le vendeur dit, voilà, bon, écoute, moi, je t'envoie la marchandise que lorsque j'aurai l'argent. Tu vois ? Mais le fait de in'aqad al-bay', quand les savants disent qu'à ce moment-là, in'aqad al-bay', c'est-à-dire que l'acte ou le contrat de vente est conclu. C'est-à-dire que c'est un engagement de l'acheteur d'acheter ce bien et c'est un engagement du vendeur de vendre le bien également. Donc là, on parle d'engagement, on ne parle pas de clôture de la vente. La vente est clôturée lorsque le vendeur a son argent et lorsque l'acheteur a sa marchandise. Prélève avant de rentrer. Ça, on a vu ça. C'est-à-dire, si quelqu'un me vend quelque chose et que par la suite, il savait qu'il y avait des problèmes dans cette chose. C'est-à-dire. Non. Khiyar ul aib. On avait vu ça. Tu as le droit de rendre la marchandise quand elle comporte un défaut. Même si. Comment ? S'il ne veut pas. S'il ne veut pas, après, c'est. Après, là, on rentre dans le fiqh. C'est là où il y a plusieurs cas de figure qui entrent en cas, c'est le juge qui doit juger, même au niveau de l'mudaraba. Après, bon, là on cite les cas, on va dire, dans le meilleur des mondes, d'accord, mais il y a toujours des problèmes. Par exemple, dans l'mudaraba, si l'investisseur dit non, moi je t'ai pas donné 100 000 euros, mais je t'en ai donné 200 000. Et le travailleur dit non, tu m'as donné 100 000, pas 200 000. Qui a raison, qui a tort? Et en fonction des cas, il y a dans le fiqh les savants ont étudié tous ces cas de figure des différentes transactions. D'accord? Et notamment le fait que lorsqu'il y a un défaut que nie l'acheteur, que nie le vendeur et qu'atteste l'acheteur. Il est des témoins, non? Non? Pour éviter ça. Après, il est des témoins. Après oui, après il faut des témoins, et après il y a les détails, je ne les connais pas de façon précise, mais je sais que les savants ont étudié tous ces sujets. Pareil pour les pourcentages, par exemple. L'investisseur et le travailleur sont d'accord sur le montant qui a été investi. Mais l'un dit non, moi j'avais 40% et toi t'avais 60. Il dit non, moi j'avais dit 60 et toi 40. D'accord? Ils ne sont pas d'accord sur le pourcentage et chacun atteste ce que l'autre réfute. Là, il y a des moyens que les savants ont mis en place pour trancher et pour donner raison à l'un ou à l'autre en fonction de ce qu'ils demandent. Entre autres, de savoir, par exemple, en général, dans ce type de transaction, qu'est-ce qui est connu dans le marché. Pour tel investissement, pour tel type de marchandise, combien est-ce qu'en général l'investisseur a, combien est-ce que le travailleur a, et de juger en fonction de ça, entre autres. Qu'est-ce que vous nous recommandez comme livre de fiqh pour voir un petit peu plus loin, quoi. Pour aller plus loin, c'est pour l'arabe. Oui. En français, il n'y a pas. En français, il n'y a pas, non. Des sujets aussi détaillés dans le fiqh, il n'y a pas en français. Il n'y a pas en français, donc les seuls livres qui sont disponibles, c'est les livres de fiqh en arabe. Et le plus simple, les livres de fiqh en arabe, celui qui rapporte les différents avis avec les différentes preuves de façon brève, c'est Bidayat al-Mujtahid. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. De l'imam Ibn Rushd. L'imam Ibn Rushd, c'est le béaba du fiqh muqaran. C'est le début du fiqh où il y a les avis de chaque imam avec les preuves, les hadiths qu'ils utilisent, et quelquefois il y a tarjihad, quelquefois il y a des avis qui sont cités par Ibn Rushd comme étant les plus sûrs ou celui qui est le plus probable. Et après il y a des livres qui sont beaucoup plus détaillés, comme Al-Mourni qui est le summum du livre dans le fiqh. C'est le livre d'Ibn Qudam al-Maqdisi, Al-Mughni, Ibn Qudam al-Maqdisi, qui est aussi l'auteur de Ulumat al-I'tiqad, qui fait Al-Mughni, où lui, dans son livre, rahimahullah, il utilise beaucoup Mas'ala, par exemple, un cas où un tel fait ci, un tel fait ça. Et il rapporte le jugement, les différents avis, et il donne l'avis le plus probable. Et c'est un livre où il y a énormément de cas qui sont exposés. Énormément de cas dans les différents chapitres du fiqh, de At-Tahara jusqu'à, en passant par la prière, le hajj, Al-Buyou, les ventes, le mariage, le divorce, etc. Et il rapporte plusieurs cas de figure, et certains me disent qu'un sujet que tu ne trouves pas, ou une problématique que tu ne trouves pas dans le Mourani, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un, car Al-Mourani, Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, a vraiment détaillé de façon très précise différents cas et a donné un jugement, le jugement de l'islam dessus. On va parler de l'qard. Avant de clôturer le bab de salam, il y a quatre choses dans salam. Et par ça, on va terminer. Al-Muslim, ou Al-Muslim, Al-Muslim, même. Al-Muslim, premièrement, il y a Al-Muslim, c'est celui qui donne l'argent. Al-Muslim, c'est celui qui donne l'argent, celui qui achète. L'acheteur. L'acheteur, même. Il y a Al-Muslimu ilayhi. Al-Muslimu ilayhi. C'est Al-Ba'i'a, c'est le vendeur. Il y a Ra'sul Mal, qui est l'argent. a Ra'sul-Mal, qui est l'argent, et quatrièmement, Al-Muslamoufi. Et Al-Muslamoufi, c'est le dernier, c'est quoi? Il y a l'acheteur, il y a le vendeur, il y a l'argent, il y a la marchandise. Al-Muslamoufi. Et en connaissant cela, on comprend mieux la parole de l'auteur lorsqu'il dit لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. Vous avez compris ou pas? لا يشترط, c'est-à-dire ce n'est pas une condition. في السلم, c'est-à-dire pour celui qui fait السلم, أن يكون المسلم إليه, que المسلم إليه, qui est le vendeur, أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه, qu'il soit propriétaire de la marchandise. Donc il y a Al-Musallam Ilay, qui est le vendeur, et Al-Musallam Fi, qui est la marchandise. Taïbab Al-Qard. Al-Qard, qui est... Qu'est-ce que le Qard? Le prêt, qui est le prêt. Walouratan, louratan, al-qardu ou al-qat'u. Al-qardu ou al-qat'u. En arabe, al-qardu, c'est le fait de couper. Wa minhu soumiya al-miqrad. Qu'est-ce que le miqrad? Qui connaît le miqrad? Le ciseau. Le ciseau, le ciseau, car il coupe. Salam, tamam. Wastilahan huwa daf'u al-mali irtifaqan liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Huwa daf'u al-mali irtifaqan liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. C'est-à-dire de donner de l'argent et ni par compassion à celui qui va en profiter et qui devra rendre et qui devra le rendre et qui devra le rendre. Donc c'est le fait de prêter de l'argent par compassion pour celui qui est dans le besoin afin qu'il profite de cet argent et il devra le rendre. Il devra le rendre. Et pourquoi est-ce qu'il était appelé Al-Qard? Car celui qui prête l'argent coupe. Il coupe une partie de son argent. Il coupe une partie de son argent. Wa huwa ja'izun bil kitab wa sunnati wal ijma'. Et le jugement de Al-Qard, c'est qu'il est autorisé dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants. Fadluhu an Abi Hurayrata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurab ad-dunya نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر عليه يسر عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه حديث صحيح رواه مسلم والترمذي وابو داود. Le mérite du prêt. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من وسع Al-Muslimin kurbata min kurabi dunya. Celui qui élargit, si on traduit, nafasa ay wassa'a. Nafasa ay wassa'a. C'est-à-dire, celui. Comment traduire? Qui soulage. Non, mais dans le sens de wassa'a, yani, qui élargit son frère musulman qui est dans une situation étroite, une situation où il est serré. Autrement dit, qu'il soulage son frère dans une contrainte qu'il a. celui qui soulage son frère, celui qui soulage un musulman d'une situation difficile parmi les situations difficiles de cette vie d'ici-bas, eh bien Allah Azza wa Jal le soulagera d'une situation difficile le jour du jugement. Et celui qui facilite à quelqu'un en difficulté, il lui sera facilité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah ne cesse d'aider son serviteur tant que son serviteur aide son frère. Tant que son serviteur aide son frère. Hadith authentique apporté par Muslim, At-Tirmidhi et Abu Dawud. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui soulage son frère d'une situation difficile qu'il connaît dans cette vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal lui facilitera et le soulagera d'une situation difficile le jour du jugement. Laquelle des deux situations difficiles est la pire? Est-ce que c'est celle de la vie d'ici-bas ou celle de l'au-delà? Celle de l'au-delà. Le jour du jugement, c'est un jour qui est très dur et qui sera très difficilement surmontable pour plusieurs raisons, à la fois la peur, le fait d'être terrorisé, le fait d'être nu et incirconcis, le fait d'être debout, le fait de se retrouver au milieu de l'humanité depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains, le fait de d'avoir le soleil au-dessus de sa tête et d'éprouver une forte chaleur, le fait de connaître la durée de ce jour du jugement qui sera de 50 000 ans. Donc tout ceci prouve que le jour du jugement sera un jour très difficilement surmontable, et les soulagements qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra apporter seront bien sûr les bienvenus. Et celui qui facilite à quelqu'un en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'aider son serviteur tant que son serviteur aide son frère. Non. Dans un jour qui est estimé à 50 000 ans. Non, c'est quoi? Non. فطلع عرس على سائل بعذاب واقع. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. اسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: tout musulman qui fait un prêt à son frère musulman deux fois, إِلَّا كَانَكَ صَدَقَتِهَا مَرَّةً, ce sera considéré comme le fait d'avoir donné en aumône une fois. Comme le fait d'avoir donné en aumône une fois. Autrement dit, si tu prêtes de l'argent à ton frère, cela équivaut à avoir donné en aumône la moitié de cette somme. Si tu prêtes 1000 euros à quelqu'un, c'est comme si tu avais donné en aumône combien? 500. Et ainsi de suite. Il y a des hadiths plus précis qui parlent de dinars et de dirhams. Je ne les ai pas en tête, mais ils sont identifiés par Cheikh Al-Albani. Où en gros, c'est celui qui donne 2 dirhams. Celui qui prête 2 dirhams, c'est comme si on avait donné en aumône 1. Non. Wafin ou ghayr wafin, qu'il donne, qu'il rend ou qu'il rend pas, dans tous les cas, tu as ta récompense. Parce que dans ce hadith, le prophète sallam part du principe qu'on te le rend. Il part du principe qu'on te le rend. Car en général, le musulman, c'est quelqu'un qui est honnête et qui tient ses engagements. Donc quand on lui prête de l'argent et qu'on se met d'accord sur une date, il doit rendre cet argent selon la date fixée. Et le professeur Asselem a dit également dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, Kullu qardin sadaqa, tout prêt est une aumône. كل قرض صدقة حسنه الألباني رحمه الله تعالى. C'est un hadith que Cheikh l'Albani a jugé bon. التشديد فيه. التشديد فيه, c'est-à-dire la... Comment dire التشديد فيه? Le fait d'aggraver la situation ou de montrer que c'est une chose très importante et de très grave lorsque elle n'est pas faite, c'est-à-dire lorsque l'argent n'est pas rendu. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة من الكبر والغلول والدين. سنو ثوبان رضي الله عنه qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui dont l'âme se sépare du corps, c'est-à-dire celui qui meurt, et qui est exempt de trois choses, il entrera au paradis. De l'orgueil, ou le rouloul. Qu'est-ce que le rouloul? On avait déjà vu ça, le rouloul. Si vous ne savez pas, c'est grave. Non. Non. C'est ça le rouloul. El rouloul. Là on parle de el rouloul. El rouloul, le rouloul, non. Le rouloul. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Mais ça veut dire quoi? Prendre quelque chose qui n'est pas à lui. Plus précisément? Non? Non. وعلم انما غنمت من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. C'est dans quel contexte ce verset? وعلم انما غنمت. Donc c'est le butin, donc c'est celui qui vole le butin, ou celui qui prend le butin avant qu'il ne soit partagé. Car le butin de guerre, il doit être déposé au commandant de l'armée pour qu'il distribue ensuite ce butin à l'ensemble des soldats. Il est interdit de prendre le butin de guerre avant qu'il n'y ait été partagé. Et il y a des hadiths à ce sujet où un compagnon est mort et les compagnons du professeur sont partis voir le professeur Assalam disant qu'un tel est mort martyr, et le professeur Assalam a dit, je vais par là que je l'ai vu en enfer et que le vêtement qu'il avait était un vêtement de feu, d'accord. Et ensuite ils ont vu que, ou des compagnons ont vu qu'il avait pris des sandales du butin avant qu'il ne soit partagé. C'était une cape, je crois. Non, il l'a vu dans une cape. Shirakun alin. Shirakun alin. Et il l'a vu dans une cape de feu, mais la cause c'était les sandales. Wal dayn, et la dette. La dette également. Wa an Abi Huraira, et selon Abu Huraira radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حديث صحيح رواه الترمذي. Et selon Abu Huraira رضي الله عنه, il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, l'âme du croyant est suspendue à cause de sa dette, ou est suspendue par sa dette jusqu'à ce qu'elle soit remboursée pour lui. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. Et selon ابن عمر رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui meurt et qu'il a comme dette un dinar ou un dirham, alors il sera pris de ses bonnes actions. ليس ثم دينار ولا درهم. Et ce jour-là, il n'y aura ni dirham ni dinar, c'est-à-dire le jour du jugement. Le jour du jugement, il n'y aura ni de dirham ni de dinar. Et celui qui aura des dettes, eh bien, elles seront prises de ses bonnes actions. fils, comme j'y pense, celui qui avait l'intention vraiment de le rembourser, celui qui n'avait pas de... On va voir, Inch'Allah. Il y a des hadiths après sur ça. Il y a des hadiths selon l'intention de la personne. Bien. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر حمك الله أتكفر عني خطاياي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لذلك. حديث صحيح رواه مسلم والترمذي والنسائي. Et selon Abu Qatada radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi eux et les a exhortés. Il leur a rappelé que le jihad, que le combat dans le sentier d'Allah et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala font partie des meilleurs actes. Et un homme s'est levé et a dit « Ô envoyé d'Allah, que dis-tu si je meurs dans le sentier d'Allah? Est-ce que mes péchés seront pardonnés ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oui, si tu meurs dans le sentier d'Allah et que tu es patient et que tu espères la récompense, en ne tournant pas le dos, c'est-à-dire en ne te sauvant pas le jour du combat. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qu'as-tu dit ?» Et après cette réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté ses compagnons « Répète, répète-moi ta question, qu'as-tu dit ?» Et l'homme a dit « Que dis-tu si je meurs dans le sentier d'Allah? Est-ce que mes péchés seront pardonnés? » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, si tu meurs dans le sentier d'Allah et que tu es patient et que tu espères la récompense sans tourner le dos, illa ad-dayn, sauf la dette. » Fa inna Jibril alayhi salam qala li dhalik, car Jibril alayhi salam m'a dit cela. Jibril alayhi salam est venu ou a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam entre ces deux questions, ou après la première question, après la première réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rajouter ad-dayn. Et lorsque Jibril alayhi salam est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redemandé à son compagnon de répéter sa question. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la même réponse, sauf qu'il a rajouté il ad-dayn, sauf s'il est endetté, car Jibril m'a informé de cela. Hadith authentique apporté par Muslim et At-Tirmidhi al-Nasa'i. Si par exemple la personne avec laquelle on est endetté nous pardonne cette dette, non, ça change quelque chose? Ça change pas. C'est le mieux qu'elle puisse faire. Falandulatun ila meysara wa anta'fu aqrabu al-taqwa wa anta'fu aqrabu al-taqwa, de pardonner est meilleur et plus proche de la piété. Donc si quelqu'un a une dette vis-à-vis d'une personne, ou celui qui a prêté l'argent, il a le droit de pardonner, de dire c'est bon, j'annule la dette que tu as envers moi. Il y a beaucoup de hadiths à ce sujet concernant le fait d'être endetté qui montrent la gravité de ceci. On va citer quelques hadiths que l'auteur n'a pas dit dans le livre, juste pour que le sujet soit complet ou le plus complet possible. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه أحمد وصححه الألباني. Selon عقبة بن عامر رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ne faites pas peur à vos personnes après qu'elles soient sereines. Ils ont dit, comment cela est-ce possible, ô envoyé d'Allah? Il a répondu, l'endettement. Car une personne qui est endettée est une personne qui se fait du tort à soi-même et qui va faire en sorte qu'elle est toujours préoccupée à savoir comment est-ce qu'elle va rembourser, etc., etc. Donc c'est une personne qui, à la base, est sereine, elle est tranquille, elle n'a pas de soucis. Et le fait de s'endetter et d'emprunter de l'argent va faire en sorte qu'il ait des soucis et cela va le déranger, bien sûr. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاؤه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاؤه فذاك الذي يأخذ من حسناته وليس اليوم دينار ولا درهم. اسمه ابن عمر رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il y a deux types d'emprunt, celui qui meurt en ayant l'intention de rembourser sa dette, alors je suis son garant. فَأَنَا وَلِيُّ. Et celui qui meurt en ayant l'intention de ne pas rembourser sa dette, c'est celui-ci à qui les bonnes actions seront prises et il n'y aura ce jour ni dinar ni dirham. C'est-à-dire que cette personne, le jour du jugement, est-ce qu'elle voudra qu'on prenne de ses bonnes actions ? Non. Et elle cherchera à rembourser sa dette en argent. Mais il n'y aura ce jour-là ni dirham, ni dinar. Et la seule chose qu'il pourra donner pour rembourser sa dette, ce sont ses bonnes actions. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Et il y a le hadith de Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh, qui est un hadith qui est considéré comme étant l'un des plus durs dans les dettes. C'est le hadith de Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال سبحان الله ما أنزل من التشديد قال فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ما التشديد الذي نزل قال في الدين والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. Donc selon Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم était assis dans l'endroit où étaient déposées les personnes mortes. Car on avait vu dans le livre de Genaïs qu'il y avait à Médine un endroit où l'on priait sur les morts. Un endroit où on apportait les dépouilles et c'est dans cet endroit-là qu'on priait sur les morts. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était assis à cet endroit. Puis a levé sa tête vers le ciel et a baissé son regard. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ. Le prophète sallam a posé sa main sur son front. Et en général, une personne, lorsqu'elle pose sa main sur son front, c'est pourquoi ? Non, comme ça. Non ? Mal à la tête, mais pas forcément. Non, il y a quelque chose de grave. Quand on t'annonce une nouvelle qui est grave ou qui fait peur, ou qui la personne a mis sa main sur son front. Et le prophète était ainsi, il a levé sa tête vers les cieux, a baissé son regard et a mis sa main sur son front, sallallahu alayhi wa sallam. Puis a dit Subhanallah, gloire à Allah, ma anza min al-tashdid, quelle dureté qui vient d'être descendue. Et il y a une nouvelle dure qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par sa dureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur son front. Et les compagnons de l'anhum savaient, mais ont préféré se taire. Ils se doutaient, mais ils ont préféré se taire pour ne pas entendre quelque chose qu'ils ne seraient peut-être pas prêts à entendre. Et ils ont entendu le lendemain, comme l'a dit Abdullah ibn Jahsh. Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh a dit فَلَمَّا حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدْ, lorsque le lendemain j'ai demandé au prophète صلى الله عليه وسلم et nous lui avons dit quelle est cette chose dure qui est descendue. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit قَالَ فِي الدَّيْنِ, c'est une chose dure qui est descendue sur l'endettement, sur la dette. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si une personne meurt dans le sentier d'Allah, puis revit. C'est-à-dire qu'elle est ressuscitée et revit. Puis est tuée encore et meurt dans le sentier d'Allah. Puis vit. Puis meurt dans le sentier d'Allah. Et qu'il a des dettes, il n'entrera pas au paradis jusqu'à ce que sa dette soit remboursée de lui. Non. Autrement dit, celui qui meurt trois fois dans le sentier d'Allah, même si cela est impossible, celui qui meurt trois fois dans le sentier d'Allah et qu'il a des dettes, il n'entrera pas au paradis. Il n'entrera pas au paradis jusqu'à ce que sa dette soit remboursée de lui. Et on va terminer par le hadith d'Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man tazawwaja imra'atan ala sadaqin wa huwa yanwi an la yu'addihi ilayha fa huwa zanin wa man adana daynan wa huwa yanwi an la yu'addihi ila sahibihi ahsibuhu qala fa huwa sariq. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se marie avec une femme en se mettant d'accord sur une dot et n'a pas l'intention de lui donner, c'est-à-dire de lui donner cette dot, il est considéré comme un adultérien ou un fornicateur. Et celui qui emprunte, ou celui qui emprunte de l'argent en ayant l'intention de ne pas le rembourser, ahsibuhu qala fahuwa sariq. Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit: je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un voleur. Il y a d'autres hadiths dans ce sens, à savoir que celui qui emprunte de l'argent en ayant l'intention de ne pas le rembourser, qu'il est considéré comme étant voleur. Naam, hadith qui est juste en dessous. Naam, ça on l'avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur celui qui avait des dettes jusqu'à ce que quelqu'un s'engage à lui rembourser, ou jusqu'à ce qu'on vienne voir le professeur Hassan pour lui dire que c'est bon, ce défunt n'est plus endetté, tu peux prier sur lui. On a tafi bihada al-qadwa, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.